avait donné rendez-vous au café des feignants. Regarde, t'es comme la fleur qui se fane à la fumée des skews. Le soir, tes copains sont fatigués, mais c'est pas d'avoir bossé. L'amertume d'avoir chômé, batch de cuir, bière et rouge limé. Viens, on va soigner ta mine toute pâle. Viens, je t'emmène dans mon cahier à spirale. Viens, ton bateau allait faire naufrage. Viens, je t'emmène dans mon livre d'images. Viens, on va soigner ta mine toute pâle. Viens, je t'emmène dans mon cahier à spirale. Viens, ton bateau allait faire naufrage. Viens, je t'emmène dans mon livre d'images. L'autre jour, ton père m'a dit que j'étais pas un type très cuit. Que pour être censé le jour, il fallait dormir la nuit. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse si lui et moi on est brouillés? C'est pas de ma faute si j'en rigole, mais tu m'as bien vu adulte. Viens, on va soigner ta mine toute pâle. Viens, je t'emmène dans mon cahier à spirale. Viens, ton bateau allait faire naufrage. Viens, je t'emmène dans mon livre d'images. Viens, on va soigner ta mine toute pâle. Viens, je t'emmène dans mon cahier à spirale. Viens, ton bateau allait faire naufrage. Viens, je t'emmène dans mon livre d'images.